نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Spécialement pour Abdoudi, chers frères et sœurs, un petit changement de façon qui nous vous procédez de lundi, Inch'Allah. Ce changement-là, nous pouvons nos façons qui nous introduire et ensuite nous pouvons amener, Inch'Allah, continuellement. Vous prenez qu'il a une remorquée qui nous vient amener un tableau. Pour penser que là où je vois pour gagner, mais seulement il restait qu'Inch'Allah pour l'autre semaine, chaque chose qui nous peut écrire le tableau là, il faut finir être écrit qu'aux autres là-haut. Il faut finir être écrit qu'aux autres là-haut, afin qu'ils se connaissent quand nous peut expliquer l'eau qui nous peut poser. Chers frères, si nous pétions, Alhamdulillah, tous les lundis nous peut joindre, nous peut apprendre concernant nos dînes, Alhamdulillah, mais seulement si nous pétions dans l'autre langue, nous devons apprendre théoriquement. Nous devons apprendre théoriquement, mais dire 10, nous devons connaître ça, quelque chose, aller comme ça, aller comme ça, aller comme ça. C'est tout. C'est tout. Mais si nous devons dire d'une autre façon, nous la vie pratique. Oui, nous devons témoigner une petite chose là. Nous devons témoigner un changement qui peut arriver, etc. Mais seulement quand nous pouvons dire la vie pratique, veut dire nous fait réfléchir, ça qui nous apprend lundi là, vivre de nous la vie tous les jours en pratique, veut dire nous pouvons lire, ou bien nous pouvons mettre action là de nous la vie tous les jours. Nous pouvons témoigner, oui. Nous pouvons témoigner, par exemple, une action qui nous fait prendre concernant les obéissances par an, concernant le bâtiment, etc., etc., concernant le supermarché, etc., pour rapprocher. Ça c'est bon signe, oui. Mais seulement quand nous guettons, mais qui m'avait pratiqué? Moi, pas un petit nom installé. Alhamdulillah, m'avait fait mon amas, oui. Mais seulement un croyant, c'est un quelqu'un qui lui fait un défaut, au moins, comme Imam Ahmad, rahimahullah, quand il finit, quitte de lien, son compagnon, Muhammad ibn Nour, lui dit tous les jours, Imam Ahmad, tu t'es fait une action, qu'il avait dit pas cette action. Tous les jours, il peut faire une bonne action, une nouvelle bonne action. La veille, jamais il ne fait ça. Et quand il commence à faire sa bonne action-là, il continue à faire jusqu'à l'imot pendant 40 ans, il fait ça. Pendant 40 ans, il veut dire action qu'il fait à Zodi, il y a qu'il fait. Quand il arrive demain, il répète ce qu'il fait à Zodi là, et il ajoute un nouveau là-dedans. Un nouveau bon action qu'il va faire. Arrive l'autre sur le lendemain, il répète ce qu'il fait aujourd'hui, demain là, il amène un nouveau encore, il y a les mêmes comme ça pendant 40 ans. De là, nous allons comprendre qu'on peut dire nous, Imam Ahmad, c'est qui ça là? C'est qui va, ça va casser du monde là qui est représenté de nos lignes. Donc, chers frères et sœurs, quand nous pouvons dire, nous pouvons vivre le haine de bonne action, ça qui nous amène, donne nous la vie pratique, afin qu'il nous s'éclate. Mais avant, nous vous commençons par une introduction. Dites-moi Zodji. Ensuite, cette semaine, Inch'Allah, nous prenons même ça qui nous a amené à Zodji, un djibout, pour nous la vie pratique. Ensuite, nous continuons, Inch'Allah. Quand nous faisons dire une introduction, chers frères et sœurs, il est possible que tous les temps, qu'il soit ici même, de lundi, ou bien devant les autres jours, sur tous les jours de vendredi, khutba, nous trouvons, nous prenons quand même avant de commencer, nous commençons de cette façon-là, mais capable de poser question de qui veut dire ça. Notre imam béni, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, mais qui veut dire ça? Est-ce qu'il m'a aussi essayé de reconnaître des sabanes phrases qui servit, qui nous tendait, qui imam dire dans l'introduction avant de commencer? Qui sont significations? Qui fait tous les temps que nous commençons dans le même style? Est-ce qu'il y en a qui recommandation ou bien vous êtes capable de dire, bismillah, bon, je te connais, vous dites, comment je commence ça aussi? En premier, chers frères et sœurs, l'Ibo nous connaît. Dans l'action parée, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avant d'y prendre la parole, tous les temps, il fait même des rappels. Qui des rappels? Faudrait qu'il y ait une introduction. Dans sa introduction-là, il y a quelque chose. Ou amène-le dans les fausses qui passent, ça a quelque chose qui s'en a dedans. Un, c'est des éloges Allah. Il y a un éloge Allah là-dedans. Qui dit soit « Inna alhamdulillah » qui veut dire certainement tout éloge pour Allah, ou bien moi lui directement « Alhamdulillah ». Premier, bizana éloge Allah là-dedans. Éloge, ou bien d'une autre façon, nous vient dit, bizana flak Allah là-dedans, flak lui. Montrer son grandir et ce qui s'en a. Et deuxième, lui bizana contenir la paix et bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligé de radir là-dedans. Des conditions. Des conditions comme une introduction avant de prendre la parole. Ou que tu as fait, moi, nous finis dire, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ça, c'est simple. Alhamdulillah, tout éloge pour Allah, wa salatu. Bénédiction, wa salam. La paix, ala Rasulillah, l'eau, les messagers d'Allah. Vous le faites bien, tous les deux. À partir de là, qui dit soit pour une cause, ou bien un coup de bas, ou bien voir comment se causer, c'est-à-dire. Ou bien voir comment se causer. Et surtout pour une coup de bas. Nous disons bien, surtout pour une coup de bas, chers frères, c'est pour nous bien, c'est une condition pour le bala tomber sur la salade. Il n'a pas dit, on dirait toutes les semaines, il dit, alhamdulillah, ça nous n'a pas dit, on a dit, c'est la vie. Mais une condition de coup de bala. Ou si c'est, on dit bien, nous vous trouvons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la Jum'a, quand il fait bien, ya ayyuhalladhina amanu, ila nubiya bi salati min yawmi al-Jum'a, au Bantina Iman, quand je donne l'appel vers Sola, c'est quoi Yamini? Vers Sola, jour du mois, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, Fasraou ila, ila, zikrillah. Principe idiot pour je donne, pas un du mois là, pas un fénama, mais il a zikrillah vers la pensée d'Allah. Quand nous venons dans du marché pressé, quelle condition qui est là? Est-ce qu'il m'a besoin de ça de la carte ou bien m'a besoin de football avant? Football avant. Donc ça fait que l'on l'a fait rester à qui était? Fait rester à Namaza ou bien football? À football. C'est-à-dire qu'il faudrait ça dire mon nom quand il finit, écoute football, ça il vient de rappel pour lui concernant qui ça n'a? Concernant Allah. Concernant Allah. Et non pas comme on finit, écoute, Khoudba, Mashallah, mon récit comprend le gouvernement là qui fait faire, le bourgeois qui fait faire, ah, mon récit comprend demander. Mais ça concerne le Khoudba. Sauf on passe à côté. Donc, malheureusement, de nos jours, on trouve dans le monde, il y a au moins, cause d'actualité, un fait, ça nous connaît que le passé. Merci la gazette, va. Merci la gazette, bien. Et la convention. Khoudba, Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a fait les zikrullah. Faudrait que le dimouna, qui n'écoute Khoudba, le film, rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Lui n'apprend quelque chose concernant dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est précipité vers ça. Sa khutbah-là a fait sa zikrullah, Allah, chers frères et sœurs, pour lui aimer sa condition qu'il utilise, c'est sa trois conditions. Un, il dit un éloge Allah là-dedans. Si il y a un éloge Allah, il est tombé. Deuxième, les bizarres et la bénédiction. La paix et bénédiction de le prophète sallallahu alayhi wa sallam et troisième, pour donner un rappel vers Allah. Ça va une condition. C'est pour ça qu'il nous trouve imam à chaque fois qu'on est béni. Je commence par ça de quelque chose. Chers frères et sœurs, tous les temps que j'étendais, la paix et bénédiction de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est vrai. Nous sommes capables de donner n'importe qui façon. Là, nous disons sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, ça qui est plus connu, plus meilleur, je dirais bien plus meilleur de toute façon, qui aime du monde au salaté là, il envoie des routes, l'eau le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui nous vient de Namaz. Ça qui nous fait connu comme le nom, Darul Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Complètement. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Complet. Comme on nous dit dans Namaz, Sa phrase, cher frère, c'est meilleure parole qui existait le surface la pire pour indiquer on va bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est meilleure parole. Sa phrase, à dire, quand nous décrit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vient adresser avec son compagnon. Comme introduction qui dit amené, il est obligé de faire Allah. Quand nous disons, il est obligé de faire. Comment il dit à l'Yasir, il y a amené de sa façon là. Inna alhamdulillah. Inna alhamdulillah qui veut dire. Inna, certainement, alhamd, tout éloge, toute flatterie, tout gloire, pour que ça n'a. Lillah. Lillah pour Allah. Nahmaduhu, nous faisons son éloge. Wa nasta'inu, nous demandons et. Wa nasta'firu. C'est ça trois petites choses. Trois petites choses qui viennent pour qu'il s'insane quand il peut prendre la parole. Sa bonne phrase qui lui fait citer là, lui fait montrer distinction qu'il y a entre lui et les créatures. Il peut venir distinguer avec ça. Certainement tout éloge pour Allah. Nous faisons son éloge. Mais dire, il y a une autre. Nous faisons son éloge. Nous demandons aide. Parce que quand Dimouna peut le causer, quand moi peut le causer, quand moi peut le faire comprendre, est-ce qu'il peut faire comprendre? Moussa alayhi salam, avant il adresse la parole qu'il dit, l'homme bishrach li sadri, wa yassir li amri, wa hlul rukhdatan min lisani, yafqahu qawli. Dès quelque chose qui est à la fin du dit là. Wa hlul rukhdatan min lisani, l'autre année qui est là, d'amoula l'anna. Et Moussa alayhi salam, tu bégayes. Qui fait? Yafqahu qawli. Avec ce comprend. Mais cette compréhension vient de tout ça, non? Depuis Allah. Depuis Allah. Tout ça là, c'est dans la réalité, chers frères et sœurs, qui nous demande aide avec Allah. La source sallallahu alayhi wa sallam, quand ça termine ça, dans l'introduction là même. Dans l'introduction là, pour lire la source sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle lui-même, même lui est un prophète d'Allah, même lui est choisi depuis Allah, même ce bon compagnon là, mais qui s'en a capable que ce bon compagnon là comprend. Il vient aider Allah, oui non. Il vient aider Allah. Il vous vient aider Allah. Quand il finit de dire « wa nasta'inu », il amène un des aspects en tant qu'insan, cher frère et sœur, qui nous vient éloigner avec lui. C'est ça qui nous appelle nous péchés. Ça qui nous appelle nous péchés. Nous péchés. Quand nous disons nous péchés, cher frère et sœur, il est possible qu'il demain, me rende nous un gris, il est possible demain, me coule un coup de sang et le me sentir vie. Mais comment on sentit ça? Mais quatre fois, on finit perdu, vous connaissez? On finit perdu six points, là, nous fait poser à Zodid. On finit perdu. Mais bien, on sentit son effet, oui, non? On sentit, mon calculé, dans le 10 ans, pour moi, aller là, pour mon Tunisie, mes points, tu vois, pas plus là, pour faire qu'on décide ce qui arrive, moi. Mais bien, on sentit sa erreur qui m'a fait là, qui fait une conséquence, là, au moins, oui, non? Chers frères et sœurs, pour pécher, mon pari, c'est sentir, c'est non? Pour désobéissance à Allah, mon père ici, sentir. Au fait, si mon guide mon la vie, difficulté qui m'a fait gagner, si mon guide mon la vie, ban problème qui m'a fait pas, si mon guide mon la vie, comme on a dit, j'ai dit qu'on arrive les 20, les 22, quand c'est fini leur cause. Vous voyez ce qu'il fait? C'est quelque chose qui ne m'a pas retrouvé sur l'effet là. Des côtes qui est fait. Des côtes qui est fait. L'effet péché, j'ai l'impression, il n'y a pas dit ni point ni. L'effet péché pas faire où la peau sensée, comme on dit, maladie la peau. Non. L'effet péché, c'est qui vous commence à trouver la vie d'une dire. Où vous commence à sentir dans la vie tous les jours. Où vous arrive un moment que vous dire quand on monte le lit, ou vous êtes là, commence à trouver les aiguilles secondes, puis vous dites en haut, ce qui n'arrive pas, Martin. Mais qui n'arrive pas? Il n'est pas dormi, il n'est pas dormi, penser. Mais qui fait? Allah subhanahu wa ta'ala prend tracala, mais qui existe? Existe devant moi. Les contrats avec sa baille, sa dame qui commande à 6 olivier, avant sur la fête arrive le loyer. Il est ruiné. Il a dit, vous nous avant sur la fête arrive le loyer, il est ruiné. Ou encore avec aujourd'hui, il est ruiné. Vous avez bien ça. Qui fait? Parce que moi, l'état m'a guetté, mon père peut gagner un tracas point, mais là-bas, mon père peut gagner un tracas, ben péché qui? Ben péché qui m'a fait faire. Chers frères, un des bandes de roi qui est un croyant du fait, c'est pas juste, oh Allah pardonne-moi. Oui, Allah pardonne-moi. Mais dans aucun doute, ça nous apprend. Mais en même temps, nous dire, oh Allah, mais qu'à distance entre nos péchés là. Quand nous dites dans ce là, dans Namaz, la source sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala, ça tous les temps nous dire. Alhamdulillah, il est bon. Pour lui, il ne dira que le prophète, il dit, mais seulement, le dit bien, mais seulement, ça même prophète, Allahu Akbar, Allahumma ba'i bayni wa bayna khataya kama ba'akta bayna al-mashriq wa al-maghrib. Ou Allah, distance entre moi avec mon bon péché, pareil que moi, tu peux mettre une distance entre l'Est et l'Ouest. Dans son sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, attends, je veux. Quand c'est mon objectif, il y a ça en cours. Les ressources, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien ce qu'a ces paroles-là. Ou Allah met une distance entre moi et mon bon péché. Distance qui n'a en place et l'ouest. Si nous guettons un petit pays, un petit lit qui nous était, distance qui est là, moi, soit plus qu'en flaque, moi, belle mort, mais tu m'as une seule, je m'en fais pas. Sa distance-là, je vous donne une île. Je vous donne une île. Puis si, évidemment, on prend dans l'est l'Afrique, elle dans l'ouest l'Afrique. Imagine-nous, mais qui a été distance, lorsque nous sommes dans l'ordre, par exemple, et enseigne-nous, pour nous aider avec nous, avec nos péchés. Chers frères et sœurs, c'est ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa introduction, là, lui dit, « Wa na'udhu billahi min shururi anfusina » Nous cherchons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala min shurur, ban shar, qu'on le mal qui n'a dans nous. Veut dire qu'il pousse nous pour faire une action là, moi je peux aller, voilà. Mais qu'il loin avec moi, c'est. Mais qu'il loin avec moi. Veut dire que ça dit mon âme, il peut reconnaître qu'il y en a sa bonne mort, voilà sa bonne faiblesse là, oui non. Il reconnaît qu'il y en a un âme qui est malade. Dans une petite chose qu'il lui demande Allah, est, il lui demande Allah subhanahu wa ta'ala pour éloigner sa nafs là, depuis sa bonne péché là. Et il contient de dire « Wa min sayyi'ati a'malina » et contre tout ban a'mal, a'mal ban action, sayyi'at, tout ban mauvaise action qui nous fait. De là, nous trouvons qu'il s'est un droit constat, qui un croyant y respire. « Ou Allah pardonne-moi, il beau, mais en même temps, ou Allah éloigne-moi avec ban péché. » Parce que moi, déjà, bien dit, chers frères et sœurs, un péché, c'est un péché. Fais la sortie, elle est là. Mais un péché, il est capable d'avoir une petite conséquence. Mais un péché est capable d'avoir une longue conséquence. Les vignes, les risques, par contre, les risques. C'est des péchés. Tous les vignes désobéissent à Allah. Mais seulement, parfois, il y en a un qui se l'est fait capable de finir des suites, mais il y en a un qui est capable d'avoir une longue conséquence. Parce qu'à ce moment-là, mon coupé, paye sa péché qui mon dernier 10 ans de cela. Moi, vous pouvez subir ses conséquences. Moi, je connais comment. Moi, je connais comment, combien de monde dit comme ça, ça moi, je connais qui est arrivé au fait. Qui fait? Parce que l'ingordi, au fond des livres, parce qu'il l'intègre 10 ans, 15 ans, 20 ans, des sévins, parce qu'aujourd'hui, on peut trouver ses conséquences devant lui. Donc, quand sa personne-là, quand sa croyant-là, fait demande à Allah subhanahu wa ta'ala éloigné, qui lui fait éloigner là? Dis ce péché-là, il risque d'être par exemple, tu vas aller dans l'Est, moi, dans l'Ouest, ça c'est. Ça qui dit mon avéronné. Quand il était là, il y a encore dans l'introduction, avant de prendre la parole. Il y a encore dans l'introduction, avant de prendre la parole. Chers frères et sœurs, si nous prenons cette boucle-là, ça c'est un prêt dans nos villes qui indique que les visages restent loin avec péché, après qu'il y a prendu dans le mort. Nous restons. Un, le son sallallahu alayhi wa sallam, quand il était, dans ce moment-là, dans la main. Il demande Allah subhanahu wa ta'ala pour éloigner avec un péché qui fait. Parce qu'un croyant de là il connaît, qui tant qu'il a péché, il n'est pas capable de concentrer sur l'amour. Comment tu veux nous trouver un amour? C'est normal. Mais seulement, est-ce qu'il reste concentré dans l'amour? Pose une question qui fait. Est-ce qu'il même cause avec lui? Parce qu'il cherche à faire péché, c'est un des bonnes petites choses, un des bonnes barrières. Principal qui peut empêcher moi de concentrer dans mon amas, c'est péché. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous, reste loin avec lui. Reste loin avec lui. Péché, c'est un de bonnes petites choses, un de bonnes barrières fondamentales, principales, qui peut empêcher nous de comprendre, dit Allah, c'est quoi. Péché, c'est infini, bloque nous. Quand ça péché là, infini bloque mon esprit, infini bloque mon lépier. Quand il dit moi comme ça, ça qui te pète là, haram. Est-ce que vous m'acceptez lui? On finit plongé là-dedans, qui m'a vous dit? Ben non, fils de bédiamant, quand il y a mon bêtise comme ça. Les temps que j'ai moi, j'ai réalisé les devines 11 là. Mon papa a réalisé les devines 11. Mais c'est ça 11 là même qui fait ma rentre dans l'enfer, tous les temps, carrément là. Carrément. Donc, chers frères et sœurs, quand nous guettons péché, une personne, c'est un des bons moyens qui empêche la compréhension pour qu'on dise Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous cette petite chose à des bâles. Toi qui te prends la parole, dis ça. Afin que quand tu dis mon attente, ça va un ange qui témoigne ta place là, je parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, ça va un dimoun là, malgré qu'il y a là comme tout. Hadith ça vient nous. Mon bon serviteur qui me demandait, oh Allah, je ne demande pas pour protéger contre le bon péché. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala permet ça. De là que nous récits qu'on va nous dire, j'ai vrai. Parce qu'il faut nous dire comment assurer mon guetté, comment il est mon front, comment il conduit mon écouter, comment il pensait, comment il mon nier, mon nier, mon nier. Mais, dis donc, quand il fait le mot connu, ah, mon nier. Il a dit ça, il a comme connu, il a dit d'avoir cap. Bien bon, mais c'est même ce que je vais pratiquer. On va qu'à faire. Et c'est un nombre de qui fait. Parce que quand mon guetté, comme il est boyé, concernant ma désobéissance, il a dans moi, dit épée, dit épée. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, cher frère, enseigne-nous, éloigne. Dis-moi là, Allah doit vous éloigner. Parce qu'en tant qu'insan, que vous visez la vie dans toi. En tant qu'insan, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, je tiens un peuple qui va faire péché, Allah tient-nous avant les gens qui font péché pour demander pardon. Mais ce péché-là, vous venez oui non. Et vous venez, ça veut dire non, ça veut dire non. Mais seulement si l'invini, l'invini. Ensuite, demande Allah pardon pour lui. Ensuite, demande Allah pour éloigner-nous avec lui. Pour éloigner-nous avec lui. C'est ça qui ressort sallallahu alayhi wa sallam, là-dedans, il peut enseigner nous, chers frères. C'est ça qu'il peut enseigner nous, là. C'est ça qu'il peut demander, un concernant son âme, deuxième concernant son âme, action. Pour lui dire, wa na'oudou billah, nous tout qu'il a. Nous tout qu'il a. Pour ne pas nous penser qu'il existe pour jeunes ou bien pour celui qui peut poser. Ressort sallallahu alayhi wa sallam, enseigne général. Wa na'oudou billah, min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. Tout au pluriel là. Celui qui peut causer avec celui qui peut écouter, tout dans le seul bateau là. Elle n'a des vents, elle n'a rien, elle n'a de la cale, elle n'a capitaine, tout dans le même bateau, oui, tout dans le même bateau. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a mis au pluriel. En s'écrivant avec wa ashhadu an la ilaha illallah, me donne témoignage qui n'a aucun ilah, excepté Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et me donne témoignage qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les seuls serviteurs et ceux messagers. Chers frères, quand nous disons, ça c'est ça qui nous habitait tant d'eux. Nous habitait tant d'eux. Mais c'est non qu'à part pour l'habitude, nous n'avons pas lié routine. Ça m'a connu, moi. Et ce qui m'a reconnu, c'est moi qui peux dire. Qui pine, il commence par ça. Ensuite, chers frères, c'est ça même dans le dîme qui appelle. Khutbatul Hajja, c'est un khutba ça. Si mon Dieu me dit, moi, je fais khutba. Tiens, mais je te donne un Dieu, vous faites khutba où? Le vendredi, vous faites ça. Qui fait un khutba, c'est quoi? Un khutba, c'est, si nous prenons en arabe, c'est un rappel. Mais seulement qu'on nous fait juste de ça qui nous fait citer là. Inna alhamdulillah, ska wa rasoulou. Chers frères, c'est comme il y a ce qu'il venait rappeler nous là. Il venait rappeler nous, Allah nous a sauvés. Ne vous êtes demandé pardon, ne vous êtes fait sauver l'ouge. Mais il rappelle-nous, en tant qu'insan, que l'aliment de notre naf, que l'aliment de notre action. Il rappelle-nous qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est unique, il n'a aucun associé, et il ne va pas vous être personne. Il rappelle-nous concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce serviteur et ce messager. S'il dit ce messager, on doit vous donner un message avec lui, oui ou non. Vous vous inscrivez ce message-là. Il rappelle-tout, dit non, oui ou non. Ça coûte pas. Ça coûte pas. Au fait, il suffit, mais c'est mal drôle. Un jour, un petit temps venu, l'Isis lié ça, après la main, bon, on va faire sa leçon finale avec nous aujourd'hui. Si tu veux qu'il y ait une mort, il est venu rester dans la main. Mais au fait, si je me concentre aux phrases qu'il dit là-dedans, de comment il rappelle, il y en a pour moi, il y en a pour moi là-dedans. Ensuite, chers frères et sœurs, nous continuons pour nous dire, oui, il y a principe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y amène trois ayats pour un. Ça, trois ayats pour un, Inch'Allah, le semaine qui nous guettit. Mais ça qui est avec nous aujourd'hui, qu'on va nous faire dire, c'est, nous pouvons amener un doigt. Nous ne pouvons pas prendre doigt là complètement dans l'indi. Un doigt, nous mettons un bout, pour nous fêter de Ramadan l'année passée, de Ramadan Fajr. Mais seulement, la différence qu'il faut là, c'est qu'il ne faut pas vous donner dans le livre. Mon guide de Allah, nous vous cite, nous vous explique, nous vous récite plusieurs fois. Attendez, Ensuite, si demain nous récit gagne, l'homme livre, ou bien devant une place, etc., nous apprenons ni un lundi pour venir nous lundi. Un lundi pour venir nous lundi, mettre les deux à la de la ligne. Est-ce qu'il est difficile de me ressusciter, chef? Est-ce qu'il est difficile de me ressusciter? Me ressusciter, ressusciter, quand on arrive l'autre lundi, comme on connaît, moi, je ne peux pas ressusciter. Non. Mais seulement me dire moi-même, un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nazzalallahu imra'an »« Samira maqali » Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala éclaire visage, une personne qui fait dans nos paroles. Ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Wa hafidhahu » Et il mémorise lui. Et puis ça, c'est un peu à la commune. Qui Allah éclaire nos figures, nos visages, quand il fait côté là, jour qu'il un seul qui me donne une parole, un seul. Et Inch'Allah, si nous faisons la même, pas un nous voit en nous. Un seul parole, il peut causer lui. L'une donne nos paroles, l'une mémorise lui. Rien ne vous a fait un défaut là où il nous. Ensuite, wa bayna'hu ila man lam yasma. Et il y a mini des bandes qui pantent ça. Il y a mini des bandes qui pantent ni. Bandes qui pantent ni là, c'est qui bandes? Je vais même obtenir notre micro-mandite pour me faire ça. Non, dans mon lacard même. Dans mon lacard, je vais me dire ça avec un seul du monde. Chef, je vais me mettre à la maison en pratique pour nous. Pour le redire. Si je vais me dire. Et mon ami, je vais tous les temps me penser, il faudrait me prendre un attente pour couvrir un délaté, mais pour le muscle manger. Il y a là qui appelle le muscle manger. Mais ça, quand j'ai une cuisine au Dilala, je prends ça, je vais me faire un muscle manger. Ça s'appelle le muscle manger. Ça s'appelle le muscle manger. Moi, confie à Tan, pour me donner tout mon tarif, il stade dans Ramadan. Vous voyez combien de temps il y a dans le 4-5 bananes. Au fait, un seul mon tarif, moi, aller me donner quelques temps, me donner une seule pour moi avec un petit bois, après, me donner mon tarif, il stade. Moi, confie à Tan, là, moi. Moi, confie à Tan. Quand on peut dire, moi, comme ça, vis-à-vis de ça, une autre personne, parce qu'il m'en apprend, là, moi, qu'on peut croire, faudrait m'en vivre, je suis bloqué, le tour, on va dire, moi, je vais causer, pour me rendre une chose, et elle appelle, moi, jamais. Moi, j'ai ça, un seul du monde dans mon lacard. Ni mon Michel, ni mon madame, ni mon propre enfant. Chers frères et sœurs, mon Dieu, il y a une autre personne qui parle pas, ni oui, non. Mon gars, récompensant, oui, non. Qui m'en fait attendre, Alice? Qui m'en fait? Qui m'en fait attendre? Premier, ça qui va avec nous pour aujourd'hui, Inch'Allah, qu'on ait une presse recyclée afin qu'il nous amène, nous mette dans la vie pratique. Inch'Allah, avec Dieu, le semaine, nous venons avec lui, ça va nous voir là, ensuite nous continuons le son. De grosses bout pour bout. Nous ne pouvons pas prendre une douane, c'est le bout. Non. Nous prenons du bout pour bout, Inch'Allah, chers frères et sœurs, nous apprenons nous recycler, nous apprenons nous recycler, afin qu'il, au lieu d'un mois, même si un mois, là, c'est beaucoup ça. Un mois, on apprend une douane, alhamdulillah. Un douane, on va se connaître. Mais, en même temps, qui m'a visé, m'a vivre. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit dire pour les honneurs éclairs qui disent qui finit dans sa parole et je finis amener les banques qui pas finit. Nous commençons pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous tout qui là, qu'il soit monsieur ou bien madame, nous côtoyons les banques des autres du monde. Il est possible qu'il demain, comme on côtoie un du monde, comme on écrit bien, nous ne sommes pas normal avec lui. Oui. On vient trouver, on ne veut aucun problème. Qui ne sont pas normal avec lui? Il est possible qu'il y ait un handicap. Il est possible qu'il y ait un handicap. T'as pas flagrant de ce lipier, de ce lami, de ce lipier, les oreilles, ou bien ce façon physique même, il y a un problème avec lui. Ou bien demain, il est capable d'une petite chose interne, il veut dire qu'il est arrêté, ou bien il veut dire qu'il est. Mais seulement, au fur et à mesure qu'on commence à joindre lui, cause d'or, il fait sa connaissance, ou elle connaît qui depuis naissance, il a une malformation en dents. Il peut vivre avec ça. Et il peut souffrir avec ça. Il souffrait avec ça. Comme les enfants entendaient une connaissance et un trou de zéblikir. Vous connaissez ma maman, papa, là, comment vivre avec ses enfants là? Vous connaissez comment sa maman, papa, là, vivre avec ses enfants là? Parce qu'il vient quand même certain âge pour faire l'opération avec lui. Mais pendant 6 ans, 7 ans qu'il m'a encore pas la personne. Sa maman, là, comment il fait vivre à lui? Quand il craque ses enfants, première petite chose qu'il trouvait sans faire exprès. Il trouve pas trop là derrière les pieds, là, ses enfants, ça. Ses enfants, ça. Mais moi, l'étant mobilité, à la fin de ses enfants. Oui, mon trou modèle ami. Mon trou modèle du pied. Mon trou modèle, mon souffle, mon fait aucune malformation. Mon fait aucun problème physique. Et mis en dents, ça ne me donne aucun problème. Mais qui vous faisait prier ça là? Dans le hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous, chers frères et sœurs, qu'on nous trouve un djimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala qui fait même un bout de ça qui, moi, je ne vais pas comprendre la vie. Un bout. De n'importe qui parti. Comment me trouve ça? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous un droit pour dire. J'enseigne une droit. Prenez un enfant mongol. Vous connaissez que ça? Chers frères et sœurs, combien de jeunes comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment une ressenti, une indifférence entre ces enfants-là? Quand nous faisons ressenti, quel genre de nous ressenti? Non, pas moi, dis-moi. Est-ce qu'il y a une ressenti qui, au fait, qu'il est fort possible, moi, je suis sur place? Mais Allah ne peut pas nous laisser ça. Vous pouvez dire, hein? Moi, nous qui sommes là, Allah choisit nous comme ça. En deux mots, prenez-nous un bord un peu plus haut. Que vos parents même pas t'es capable avec moi, je le mets moi dans le couvent. Mais des autres dimanches, moi, papa vient des dimanches comme ça. Je dis encore, je contente, mais seulement pas qu'à contrôler parce qu'ils sont malades, trop faux. Comment tu pourrais être aujourd'hui? Comment tu pourrais être aujourd'hui? Est-ce qu'ils m'ont trouvé des. Voilà, mais qui t'a encore de moi à l'os? Qui t'a fait parler avec une pièce au moins? Moi, pas comme ça. Qui t'a attendu et n'a dit moi, je suis capable un petit peu plus, mais seulement. Wallah, tu ne choisis Jésus pour passer la carte de cela. Mais de ce moment-là, qui m'a besoin de faire moi. De ce moment-là, chers frères et sœurs, sans qu'il me commence à écrire à dire ça, première petite chose qui vient de la tête, c'est quoi? C'est si il y a une différence entre moi avec lui, dans n'importe qui façon, c'est qu'il me remercie Allah. Nous remercie Allah pour dire quoi? Alhamdulillah, il y a avec moi, il est là. Nous serions venus à partir de notre réponse quand il faut la fille d'un petit guide loin, ne pas pour poser des questions. Nous disons qu'à ce stade, à ce stade, je ne vais pas la fille d'hier, la fenêtre, pour vous, je ne crois pas, on n'est pas là. Non, mais comment? Nous, qu'à ce stade, arrêtez votre réseau de venir d'écouter, ma challenge, bien que vous y allez. Mais combien de temps nous voulons pour moi? Combien de temps nous voulons pour moi? Qu'est-ce que je veux? Pour 26 de café. Alhamdulillah. Mais seulement pour nous, nous essayons de prendre de notre façon. Nous répondons. Je trouve un djimoun devant moi, il y a une faiblesse, il y a un manquement physique ou bien n'importe quoi. Première petite chose qui vient dans la tête, Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde pas une faveur. Plus grand parole qui est là, chers frères et sœurs, pour me faire éloge, Allah c'est quoi? Alhamdulillah, il fait là pour nous faire. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est quoi? Alhamdulillah, c'est la première phrase qui est dans le Coran. C'est pour lui voir ce qu'il y a dans le Coran. Combien de souverains commencent par ça? Hamd. Hamd. Hemindal. Qui veut dire? Hamd, c'est éloge qui offert qu'il y soit pour une petite chose qui ont gagné comme un du bien ou bien même un petit chose qui va faire un du bien. Oui. C'est pour ça qu'il nous dit Alhamdulillah à la kulli hal. Tout éloge pour avoir le niveau de situation. Ça nous arrive dans nous, hein? Alhamdulillah, vos enfants ont réussi. Alhamdulillah, mon travail est réussi. Alhamdulillah, aujourd'hui, vous avez fait quelqu'un, tout corrigé de moi. Alhamdulillah. Mais seulement, il restait qui, en tant qu'un croyant, Alhamdulillah, comme on sort du code de pierre, il n'y a pas de quelle maladie. Alhamdulillah, ça vient de nous, là. Nous vous inscrivons avec ça, là. Alhamdulillah, aujourd'hui, si on est contre ces casse mon pied de travail, et on va trouver quelque chose, mon pied de salle aussi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Chers frères, c'est facile de vous dire, là. Mais seulement, ça vis-à-vis de nous, le premier coup qui vient. Moi, vis-à-vis de sa qualité, du monde qui, Inch'Allah, avec pratique, moi, fini, comment se conditionne moi, arrive ça qui arrive, tu es l'autre pour ça, non. Il vient dans moi, ça. Pas juste pour écouter, pas juste pour dire, là. Mais dire, t'as rien pour me rendre la carte, pour mon téléphone, sonner, dire moi ça. Première parole qui vient se donner dans la bouche, c'est toi. Tu es l'autre pour moi. Parce qu'il y a une qui mérite ça, là. Parce qu'il dit même qu'il dit ça, c'est ni conditionnement là-dedans. Ça, Alhamdulillah, là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Alhamdulillah, tamna ma bayna samai wal ard. Ça, Alhamdulillah, qui m'ont dit, dans les petits moments-là, chers frères, c'est les remplis, les chélèques sur la terre, avec bon argent. Téléphone sonné, m'envie-moi, moi de maman, moi de maman. Téléphone sonné, divers, diamant comme ça. Et au fait, vous connaissez le numéro de la case, vous venez à ce numéro sur papa, mais nous pouvons dire qu'on est bien ici dans l'école. Vous voyez que vous n'en dites rien? Irak, numéro, son niché, tout le téléphone là. Mais seulement moi, maman, quand il me dit à moi, ça, ma première réaction, c'est quoi? Tiens, tu nous laisses là. Ces histoires, vraiment. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça, il vient de venir avec moi. Oh, donc, demain, quand on me trouve ça, enfant là, on me trouve ça, du monde là. Il y en a ça, manquement là, dans l'île, mon connaît qui, pour remercier Allah, plus grand phrase, c'est quoi, chers frères et sœurs, c'est me dire, Alhamdulillah. Ça fait première partie de la vie. Quand vous dites Alhamdulillah, ne pas dire Alhamdulillah, Allah, nous dit Lillah, sa première larme. Sa première larme, chers frères et sœurs, c'est une larme qui nous servit pour nous dire possession. Pareil comme à la fin surat al-Baqarah nous dit Lillahi ma fis samawati wal ard, pour Allah. Lillahi mulku samawati wal ard, pour Allah. C'est ça là. En deux mots, quand vous faites bien l'Illah, pour que ça va me causer, Allah. Quand vous faites le mot Alhamd Afir, qui m'en dit, en fait, pas moi, mais c'est moi qui dit la grammaire arabe, m'en dit Alhamd. Vous pouvez un alif lam au commencement. Qui sont l'importance? Qui même va dire Alhamdulillah? Fais moi dire Alhamdulillah, mais m'en dit Alhamdulillah. Qui fait chef frère, ça alif lam là, dans le langage arabe, appelle ça à tarif. Tarif veut dire me définir. C'est ça même dans l'anglais qui nous dit the boy, the house. Nous dit al-bayt, al-walad. Moi pas dire, moi pas qui définit, moi pas qui indéfini. Moi dire al-bayt, the house. Moi dire al-walad, the boy. Me dire Alhamd veut dire the roi. The praise. The praise pour qui ça n'a? Lillah. Mais si mon fini dit the, mon fini dit qu'il y a tout ou non. Mon prend tout, mon donne qui ça n'a? Mon donne Allah. Mais si quelqu'un pourrait grandir en moi, parce qu'en dans moi, au fond de moi, il y a quoi? Alhamd pour qui ça n'a? Pour Allah. Mais que ça qui vient frapper moi en colonne la pile? Que ça qui vient frapper moi? Que ça qui fait votre rôle, que ça qui fait votre éloge, que ça va faire rouler le bon pays. Mais son rythme ne passe en retard parce qu'il m'en a pas Alhamdou. Pour que ça n'a. Lille, les restes en dehors, oui, non. Les restes en dehors. Les restes en dehors, parce qu'il m'a hamd, qui veut dire éloge, mon a fini défini, il m'en prend tout, mon donne Allah. Mon prend tout, mon donne Allah. Quand tu sais où pour faire bon envers moi, sur lui, mon café dans rien. Pourquoi pas? Il y a absolument pour m'en dire comme on a 100 roupies, mon prend 100 roupies là, mon donne l'île. Et demain, c'est le roupie, vous pouvez donne toi. Pour venir dans mon pays là, mon a 10 ans, mon prend tout, mon donne là-bas. Comment vous pouvez venir? Comme un peu d'arrivée, nous, qui, au fait, des mounas, même des roupies assistées. Mais c'est moi, ils ont dit, oh, mon capacité, parce que mon pays n'a dit tout. Mais pareil, comme ça, même si mon récit comprend Alhamdou, l'île là, 1000 indiquent pour votre rôle en moi. Ou bien 1000 moi, ici, moi, pour votre rôle. Dans vide, oui, non. Dans vide, on peut attendre du monde d'avoir acheté dans vide. Parce que mon fils prend tout le monde donne Allah, oui, non. Mon fils prend tout le monde donne Allah. C'est ça qui est avec nous. Alhamdulillah. C'est ça même qui a fait qu'on nous retourne dans nos introductions qui nous dit Innalhamdulillah. C'est ça qui le prophète réamène en tout. Il réamène tout éloge pour qui ça n'a? Pour Allah. Mais seulement il y a amené pour lui mettre un emphase pour lui dire Inna. Inna alhamdulillah. Mais ici, quand nous dit Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais seulement, nous restons avec nous dehors. Quand mon pays dit ça, il y a une situation là au moins. Quelle situation? Mon trouve ça, enfant là. Mon trouve ça, bail là. Il y a une thèse roulante. Même dans l'âge. Imaginez-nous demain, on va faire tout l'hôpital, on trouve un djimoun qui est moins âgé que vous, la sonorie. La sonorie. Nous avons des causes pour l'île. Nous avons la paix d'esprit, ça qui fait. Mais seulement pour moi, il a la sonorie, mais là, si moi, je trouve une assistance, Allah fait de moi, je vais donner des heures. Nous pouvons trouver, mais 4 minutes, nous avons besoin de faire. Nous avons trouvé qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il me donne moi quelque chose qui va me donner des heures. Donc, quand on peut dire Alhamdulillah, ça, Alhamdulillah, on peut comprendre, on peut cadrer tout mon éloge juste pour Allah. Mais seulement, moi, il y a une situation qui me touche, moi, je ça. C'est différent. Nous regardons. Ça, ça m'a besoin de dire Alhamdulillah. Mais seulement, de qui peut-on dire Alhamdulillah? Vous faites tiens, mais. Ils sont en situation dans la rue. Ils sont en situation. Vous faites tiens, mais Alhamdulillah. Mais qu'est-ce que vous dites Alhamdulillah? Vous faites manger, vous dites Alhamdulillah, c'est lui qui me donne moins à manger là. Déjà, garçon. Déjà. Déjà, basant dans une situation, mais qui n'arrive pas à faire Alhamdulillah. Vous faites tiens, mais tu composes un papier dans le Ramadan, dans les résultats aujourd'hui. Mais mon père, c'est Alhamdulillah. T'as quoi ça, vous dites Alhamdulillah? Basant dans une situation, oui, non. Basant dans une situation, vous faites précise. L'osa et l'ose là, parce qu'il m'ont dit soit une faveur, soit une difficulté là. Je vais maintenir Alhamdulillah. Donc, je vais bien retourner vers Allah. C'est pour ça qu'il m'a dit Alhamdulillah. Alladhi. Alhamdulillah, alladhi. Alladhi, qui veut dire alladhi. C'est un mot qui nous servit dans la grammaire, nous appelons Ismoul Mausoul. Si vous parlez de cartez ça nous là. Mais seulement Ism veut dire non, Mausoul veut dire c'est Zouen. L'Ifir Zouen. Qui dit Fir Zouen? L'Ifir, ça qui a l'envie, Zouen, ça qui défend. Mon ami, elle l'a dit là-dedans, les jeunes familles là. Ya Ayyuha, Oban, Amanou. Qui est l'imam, au milieu qui vient, Al-Ladina, ça se plaît. Ça se plaît. Parce qu'il peut connaître plusieurs dix mounes une seule fois. Ya Ayyuha, Oban, c'est lui qui est l'imam. Al-Ladi qui veut dire, c'est lui. Donc on dit Alhamdulillah, il l'a dit, tout est l'autre pour Allah, c'est lui. Al-Ladi, c'est lui. Alhamdulillah, il l'a dit. Tout est l'autre pour Allah, de qui faire? C'est lui. Donc si mon Dieu, c'est lui. Si moi reste la même. Tout est l'autre pour Allah, c'est lui. Quand on dit avec Allah, il n'y a pas gain droit. Impossible, pas exister. Dans le langage arabe, Allah dit à la fin une phrase. Ça existe. Il n'est pas capable à la fin une phrase. Parce qu'il est venu pour soigner quelque chose, oui non. Mais comment il est capable de me dire? Il y a absolument comment dire ça plombier qui? Il met un petit à la fin. Quand les tuyaux là, il met un petit. Mais tu l'as mis une bouchon là-bas. De vous mettre un petit après qui vous fait là. Non, il y a moins de bouchons. Mais... T'as vu ton guide là. Qui est-ce qui montre toi là? Parce qu'en fait, ton métier, tu te joins bien. Mais comment ce métier te met à la fin? Allah dit comme ça. Tu peux bien prendre un taqui avant, bien joindre avec un taqui après. Donc, ton métier, Allah dit au milieu, ça délage. Ça délage de joindre. Dernier mot qui va avec nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est Modoua qui comme suit. Et d'ailleurs, comme on a la carte, vous connaissez nous dans des mots. Ah, tout le monde donne des mots, tout. Oui, va pour vous êtes demain. Comme vous avez 4 à 4. Ça, quand je suis l'école, là, je suis à 5, je vais raconter des mots là. Non, nous des mots, nous quand c'est même. Nous des mots, c'est qui est-il, nous reste répéter sa phrase, ça nous reste répéter, Inch'Allah. Car cette semaine, nous reprend le doute, nous joignons, pour qu'il nous connaisse Doua, Inch'Allah, complètement. Alhamdulillah, il l'a dit. Rafani, nous parlons de ça maintenant. Qui veut dire Rafani? Ni, moi. Yé, à la fin, quand il vient avec un objet, il veut dire moi. Kitabi, Baiti, Masjidi, pour moi. Rafani veut dire une interaction là, au moins là. Qui veut dire Rafa? Rafa, chers frères et sœurs, c'est un mot qui nous a habité Tani, Alhamdulillah, Al-Rafiya. Nasallallahu al-Rafiya. Qui veut dire Rafiya? Rafiya, c'est pas Rafa, pardon. Rafiya, c'est un mot arabe qui nous servit précisément, directement, l'eau, condition physique, Ndjimoun. Ça qui nous servit Rafiya. Veut dire tout, comme vous êtes pour la santé, comme vous êtes en dehors. Nasrallahu al-Rafiya. Nous demandons à Allah pour continuer dans sa vie. C'est ça les mots Rafa. à ne pas confondre avec Rafara ou bien Rafa qui devient pardonné. Non, ce n'est pas pardon là. Mais c'est la condition qui m'a été moléco était Rafia. C'est-à-dire, Allah, il garde moi bien. C'est ça le mot Rafa. En deux mots, qui m'a dit à faire Alhamdulillah, Alladhi, Rafani, Ain Alif, c'est Alif, des longues voyelles, Rafa, ni moi. Tout éloge pour Allah, c'est lui qui Rafa, ni. C'est pour ça qu'il y en a quelque chose que nous vous vient expliquer. Mais nous avons qu'à traduire les mots pour mots. Nous avons qu'à traduire les mots pour mots. Comme il y en a pour le matin avant, tu peux dire, langage d'amener français, vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres. Qui veut être pauvre? Langage Shakespeare, il est pauvre. Qui veut être pauvre? Mais l'idée n'a assez de mots pour expliquer un seul mot en arabe. Nous prenons l'exemple des mots robe. Demande un homme, qui veut dire les mots robe. Il vous dit, comme ça, qui ou. Dites-moi expliquer. Mais non, mais mon niveau de traduction là, mon niveau d'explication. Mais parce qu'il y a un mot en anglais qui a traduit les mots robe, ni en français. Parce que les mots robe dans Bible, il y a des milliers d'explications que vous n'avez pas encore. Dites-moi une série, dès les rêves, comme tout. Dites-moi comment je vais vous expliquer ce en anglais en français. Rafani, Rafa, c'est concernant mes conditions, mon la santé, mes conditions physiques. Si mon bonne santé, qui s'en va qui vient garder moi bien comme ça là? C'est Allah. Al-Rafiya depuis qui ça n'a cher soeur? Al-Rafiya depuis Allah. Al-Rafiya depuis qui ça n'a cher soeur? Depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on trouve ça, dit Mouna Azoudi, il y a ce problème-là. Les espagnols handicap, etc. Qui doit qu'il Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finance à nous? Alhamdulillah, il l'a dit, Rafani. Tout est l'os pour Allah, c'est lui qui fait? Garde-moi bonne santé. Qui nous donne pas bonne santé. C'est pour ça qu'on est une chère frère, alhamdulillah, du général, mais seulement là, ici, dans cette situation-là, nous pouvons dire précisément l'ON cause, parce qu'il nous fait trouver une situation différente devant nous. Et Inch'Allah, notre semaine, nous continuons la doua là, et puis nous pouvons dire, à chaque fois qu'il nous prend une bouteille de doua, ensuite nous continuons avec nous le son qui nous a dit que d'or lundi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.